Combien vaut la capture d'un trafiquant de drogue ? Cher, parfois beaucoup trop cher. En 1989, la prise de Tête d'Anana, autrement dit Manuel Antonio Noriega, a coûté la vie de 25 soldats américains, celle de centaines de Panaméens, et provoqué des dégâts chiffrés à 1,5 milliard de dollars. C'était évidemment démesuré, disproportionné. Et c'est pourquoi M. X s'est intéressé à cette affaire qui concerne aussi la France, nous le verrons. Car si, incontestablement, Noriega était mêlé au trafic de drogue entre la Colombie et les États-Unis, les Américains avaient sans doute d'autres bonnes raisons pour mettre la main sur le dictateur panaméen. Un rappel historique avant d'écouter M. X. C'est en 1881 que Ferdinand de Lesseps, qui vient de construire le canal de Suez, envisage le percement d'un autre canal dans l'isthme de Panama. Un ouvrage qui ferait l'économie du passage par le terrible Cap Horn. Les travaux pharaoniques commencent. Mais un scandale politico-financier met fin aux espérances de Lesseps. L'idée est reprise par les États-Unis, qui seraient naturellement les principaux bénéficiaires de la construction de cet ouvrage permettant de relier l'ouest et l'est du continent par la voie maritime. En 1903, le président Theodore Roosevelt suscite la sécession du Panama, qui était alors partie intégrante de la Colombie. Tout de suite après, le Panama, désormais protectorat américain, concède aux États-Unis une bande de terrain de 16 km de large, une concession à perpétuité. 11 ans plus tard, le canal interocéanique est inauguré. En 1939, le Panama cesse d'être un protectorat pour devenir un État indépendant, mais le canal demeure sous le contrôle des Américains. 1968, un putsch porte au pouvoir le général Omar Torrijos. Populiste et nationaliste, celui-ci conteste aussitôt la mainmise américaine sur le canal et ses installations. Et en 1977, il obtient satisfaction et signe un traité avec le président Carter. En 1999, la concession américaine prendra fin, le canal sera remis au Panama. 4 ans après, Torrijos trouve la mort dans un accident d'avion. L'un de ses collaborateurs, Manuel Antonio Noriega, responsable des services secrets puis chef de l'armée, devient l'homme fort du pays, même si des présidents fantoches exercent officiellement le pouvoir. Noriega, brutal et sanguinaire, n'en entretient pas moins des rapports très étroits avec les États-Unis, principal partenaire économique d'un pays où le dollar est la monnaie officielle. Toutefois, en 1988, deux grands jurys américains inculpent Noriega pour trafic de drogue. Le dictateur panaméen devient soudain infréquentable. Mais comment le chasser ? Qui peut savoir où le destin entraîne ? Comment l'amour peut se changer en haine ? Comment la nuit chasse le jour ? Pourquoi la mort nous tourne autour? Tu peux passer des années, des dizaines, lire les tarots d'étranges vénitiennes, risquer ta vie au carrefour. Toutes les nuits tu tournes autour, tu tournes autour, tu tournes autour d'un goût de sel et de marée. Alors la nuit est annoncée. On est encore à cette heure incertaine où les regards ont des flammes soudaines. Passent les chiens, viennent les loups, au crépuscule sortent les fous. Dans les ténèbres, un zigane d'Ukraine parle très peu en souriant à peine. Les hommes qui posent pas de questions. disparition. Tu tournes autour, tu tournes autour, de cheveux noirs et parfumés. Alors la nuit est arrivée. La musique est un très grand mystère. Elle peut séduire aussi bien que la mer. Les déraisonnables, attention, sont en voie de disparition. La nuit qui vient, cette femme magique va t'embarquer au-delà des limites. Je n'ai pas posé de questions à cette étrange apparition. Elle tourne autour, je tourne autour, elle devient folle et débauchée. Nos deux corps tournent mélangés. Savoir le destin m'entraîne. J'ai voyagé des années, des dizaines, risqué ma vie au carrefour. Pour le savoir, je cours toujours. Inter. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Vous savez pourquoi on l'appelle Cara d'Épina, c'est-à-dire tête d'ananas? C'est cicatrice, c'est oui, ça? Oui, de terribles cicatrices d'une acné juvénile qui ont ravagé son visage. Et ça lui donne un visage effectivement assez inquiétant. Ouais. Le personnage lui-même est inquiétant. Hein. Bah, il l'était en tout cas, car pour l'heure, il purge une peine de 40 ans de détention dans une prison américaine. Mais voyez-vous, ce qui est surprenant, c'est qu'il soit encore vivant. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû être abattu? C'est certain. Noriega connaît encore beaucoup trop de secrets embarrassants pour les Américains. Il ne m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre, cet homme de 65 ans bénéficie d'une remise de peine. Pour prix de son silence, alors? Pourquoi pas. Et quand a-t-il commencé à collaborer avec les Américains? Très tôt. On peut même dire que c'est une créature des Américains. Ah oui, un peu comme Ben Laden, alors. La comparaison n'est pas tout à fait fausse. Car comme Ben Laden, il a fini par se retourner contre ses protecteurs. Mais je vous propose d'abord de nous intéresser à ses origines. Je vous écoute, alors. Manuel Noriega, ça explique beaucoup de choses, est né dans une famille très modeste. Père alcoolique et débauché, un père qui ne l'a jamais reconnu. Ouais. Manuel était le fils bâtard de la cuisinière. Et à l'âge de 5 ans, il a été confié à sa marraine, une institutrice. Bâtard, allez-vous dire? Oui, il en gardera toujours un complexe. Ça ne s'arrangera pas lorsque l'acné le défigurera à l'âge de l'adolescence. Autre source de dépit, à cause de sa modeste situation sociale, Noriega ne pourra pas satisfaire son ambition professionnelle, devenir médecin. Parce qu'il n'a pas les moyens financiers de poursuivre ses études? Et parce que les places sont réservées aux jeunes gens de la bourgeoisie. Noriega est donc un jeune homme frustré. Aigri. Il est terriblement désireux de prendre sa revanche sur la société, sur les puissants, sur les femmes aussi qui le repoussent. Il sera d'ailleurs plusieurs fois accusé de viol. Alors s'il ne peut pas être médecin, que va-t-il faire alors? Mais il est d'abord laborantin dans un hôpital et mène une vie de bâton de chaise. Mais à la fin des années 50, grâce à son frère aîné, son destin bascule. Il parvient à intégrer la prestigieuse école de guerre du Pérou. Un établissement qui forme les officiers de plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Une pépinière de futurs putschistes. Il a la vocation? Je ne sais pas. Mais la carrière militaire va lui permettre d'assouvir sa soif de vengeance et de donner libre cours à son penchant naturel pour la violence. En outre, pour répondre à une de vos précédentes questions, c'est là qu'il va être approché pour la première fois par les Américains. La CIA? Bien sûr. Mmh. En 1959, Fidel Castro a chassé le dictateur Batista. Les Américains ont très peur que la contagion révolutionnaire gagne d'autres pays d'Amérique centrale. Et ils savent très bien que les écoles militaires peuvent devenir des foyers pro-castristes. Alors, que demande-t-on à Noriega de surveiller ses camarades élèves officiers, par bien exemple? Bien sûr, les élèves et leurs professeurs. Ouais. Et Noriega s'acquitte bien de sa tâche? Oh, parfaitement. L'un de ses agents traitants se félicitera du recrutement de ce jeune homme intelligent, rusé et amoral. Un joli portrait. N'est-ce pas? J'ajoute que Noriega reçoit une solde mensuelle de la CIA, une centaine de dollars par mois, Plus tard, lorsqu'il sera le véritable patron du Panama, il touchera jusqu'à 200 000 dollars par an. Mmh. Et la sortie de l'école de guerre, alors ? Noriega retourne chez lui au Panama et il fait une rencontre décisive, celle d'Omar Torrijos. Qui est-ce ? Torrijos est alors le commandant de la garde nationale. Ouais, c'est-à-dire l'armée panaméenne, oui. En gros. Quand Torrijos est nommé dans la province du Chiriquí, à la frontière du Costa Rica, il prend Noriega sous son aile et lui confie un commissariat. Très intéressant parce que le travail essentiel de Torrijos et de ses hommes est de juguler l'influence communiste dans cette région, la plus riche du pays où règne la trop fameuse United Fruits. Un travail qui se fait en collaboration avec la CIA. Naturellement, ouais. Oui, Noriega est donc dans son élément. Quand il ne donne pas un coup de main à son mentor, il suit des stages de la CIA dans des bases panaméennes ou américaines. Il y a donc un spécialiste du renseignement. Et de toutes les techniques de manipulation. Un bon élève. Noriega est passionné par ce travail et donne encore une fois entièrement satisfaction à ses employeurs américains de la CIA en établissant des fiches sur tous les Panaméens suspects. Mais il est dévoré d'ambition et veut gravir les échelons 4 à 4 et c'est son ami Torrijos qui va l'y aider. Mais comment alors ? En 1968, Torrijos, qui a été nommé général, entreprend de renverser le président panaméen. Naturellement, Noriega est dans le camp des putschistes et gagne à cette occasion ses galons de commandant. Et est-ce que la CIA était partie prenante dans ce putsch ? Je ne sais pas, mais si ça a été le cas, elle a dû vite déchanter. Mais pour quelle raison ? Torrijos, qui est un type plutôt débonnaire. Un dictateur éclairé. Oui, c'est à peu près ça. Donc Torrijos s'est fixé deux objectifs. Écarter l'oligarchie traditionnelle, c'est-à-dire la bourgeoisie des affaires et la bourgeoisie terrienne, au profit des classes populaires. Et deuxièmement, il veut récupérer le canal. Et donc chasser les Américains ? Oui, et il réussira en partie, puisqu'en 1977, il parviendra à signer un traité avec le président Carter. Traité qui prévoira la fin de la concession américaine en 1999. Et pourtant, vous avez dit que Torrijos, lui aussi, a collaboré avec la CIA. C'est certain, mais il a tourné kazakh. Et Noriega, alors, s'il soutient Torrijos, s'il prend parti contre ses amis américains, dont il est pourtant un salarié ? Non. En aucune manière, Noriega ne rompt avec la CIA. Pourquoi ? Il fait semblant ? Ou il joue un double jeu. Mais vous le verrez par la suite, Noriega deviendra un véritable artiste du double jeu. En attendant d'une façon très maligne, il profite de la protection de Torrijos et de l'insouciance de ce dernier pour progresser à l'intérieur de l'appareil d'État. Et en 1970, il prend la direction des services secrets. Si je comprends bien, c'est donc un agent de la CIA qui est à la tête des services secrets panaméens. Mais Torrijos, bien sûr, n'en sait rien. C'est un poste stratégique. Noriega met en place un véritable réseau d'espionnage. C'est désormais l'homme le mieux informé du pays. Il en profite pour faire des affaires très lucratives. Lucratives, mais comment alors ? Le président Torrijos a institué le secret bancaire. En peu de temps, de nouvelles banques secrètes. Et le Panama devient la Suisse de l'Amérique latine, un véritable coffre-fort où, bien sûr, on blanchit beaucoup d'argent sale. Et Noriega se sert au passage ? C'est certain. Mais ce ne sont pas ses seules ressources. Torrijos, de plus en plus anti-américain, décide de soutenir la résistance sandiniste au Nicaragua. Et il confie cette tâche à Noriega. Donc un homme de la CIA qui est, elle, violemment opposé aux sandinistes. Hein. C'est amusant, non ? Mais si vous prenez comme ça, oui. Pourquoi pas ? Voilà donc Noriega qui alimente en matériel militaire les sandinistes et qui prend au passage sa commission. Ouais. Et qui informe du même coup ses employés américains. Bien évidemment, Noriega mange à tous les râteliers. Mais ce qui est important, c'est que la mission que lui a confiée Torrijos lui permet de mettre en place toute une infrastructure clandestine. Avions, pistes d'atterrissage, pilotes, qui lui sera bien utile pour une activité encore plus lucrative, le trafic de la drogue. de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. De la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Qui est vraiment Manuel Antonio Noriega? Le journaliste américain Frédéric Kemp a consacré un gros livre au dictateur panaméen. J'en extrais ces quelques lignes. Noriega pratiqua la corruption avec une telle constance, une telle égalité d'âme, que l'on pourrait presque y voir une portée morale inversée. Il s'efforça de devenir le parfait scélérat, celui qui trompe tout le monde et intimide ami comme ennemi. En magicien d'Oz, Noriega se construisait une façade qui le faisait paraître plus grand que nature. Tapis derrière, il manipulait tous les leviers du pouvoir et de la terreur, avec l'espoir que sa vraie nature, vulnérable et tourmentée, ne serait jamais révélée. Sans uniforme, il était comme une baudruche qui se dégonfle. Il était beaucoup plus petit sans ses hautes casquettes empesées qu'il affectionnait. Il renforçait cette façade en distribuant adroitement autour de lui de juteuses parts du gâteau et en menant en expert une véritable guerre psychologique. La voix qui sortait de derrière l'écran le proclamait le symbole de l'identité panaméenne, le Simon Bolivar des temps modernes. Cependant, que le vrai Noriega était un petit homme en proie à d'éternelles migraines et à un univers intime tissé d'angoisse et d'insécurité. Sortir à découvert, déchirer l'image, eût certainement précipité sa déchéance. Pour le sorcier, le magicien, abattre cette façade serait revenu encourir une mort certaine de la main des trafiquants de drogue et des services secrets qu'il avait si longtemps manipulés et trop souvent trompés. L'ouvrage de Kemp, L'affaire Noriega, a été publié en France aux presses de la Renaissance. Est-ce que les Américains savaient que Noriega trempait dans des affaires de drogue? Ils ne pouvaient pas l'ignorer, car en ces années 70, où la consommation de drogue a explosé aux États-Unis, les autorités américaines soupçonnaient déjà certaines ambassades panaméennes ou des aéroports contrôlés par Panama de servir de plaque tournante pour le trafic de drogue. Le puissant patron des services secrets panaméens était forcément dans le coup. Donc les Américains savaient, mais agissaient-ils? Parfois, mais ils se gardaient bien de mettre en cause Noriega. Quoi? Parce qu'ils avaient besoin de lui? C'est évident. D'autant que Torrijos inquiétait de plus en plus Washington. Ses amitiés pour les sandinistes? Et ses fréquents contacts avec Cuba. Torrijos, insensiblement, se rapprochait des castristes. Pour les Américains, leur espion numéro un au Panama devenait donc de plus en plus utile. Est-ce qu'ils avaient tout à fait confiance en lui ? Oh, ils se méfiaient, c'est sûr, car ils savaient que Noriega entretenait des rapports un peu trop cordiaux avec Castro. Lui aussi, alors le double jeu, quoi. Oui, les Américains le soupçonnaient même d'avoir à plusieurs reprises donné des informations confidentielles à son ami Castro. Mais Noriega était dans la place, chef d'un redoutable service d'espionnage, et il fallait bien faire avec. Il faut quand même dire que sous la présidence Carter, Noriega a cessé d'être salarié par la CIA. Un vertueux président Carter. Oui, on s'est souvent moqué de lui, de sa naïveté, de sa mollesse. Mais Carter, au moins, essayait de mettre en accord ses convictions et sa pratique politique, même s'il n'a pas toujours réussi. Et quand Reagan est arrivé au pouvoir, alors, en 1981 ? Noriega a été à nouveau rétribué par la centrale américaine. Il ne faut pas oublier que le vice-président, George Bush, avait été précédemment directeur de la CIA. C'est vrai, oui. D'ailleurs, il a repris personnellement contact avec cet homme qu'il connaissait très bien. Parce qu'il pensait que Noriega, quels que soient ses défauts, était un homme qui pouvait être utile dans cette région toujours promise à l'instabilité et menacée par l'influence communiste. Et il va effectivement rendre des services importants. Ouais. Quoi, par exemple ? Attendez, avant, je voudrais vous parler de la mort de Torrijos en 1981. Donc l'année, justement, où Noriega rentre en grâce auprès de la CIA. Exactement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas être frappé par la coïncidence. Et comment donc est mort le président Torrijos ? Dans un accident d'avion, un accident qui n'a jamais été élucidé. Un accident suspect, donc. Et qui avait donc intérêt à voir disparaître Torrijos ? Ben, la CIA, au moins. Bien sûr, puisque la nouvelle administration américaine regardait d'un très mauvais œil les liaisons dangereuses que le Panama entretenait avec Cuba. D'autre part, les républicains au pouvoir à Washington n'avaient pas apprécié le traité signé entre le démocrate Carter et Torrijos sur le destin du canal. Mais Noriega lui-même avait de bonnes raisons de souhaiter la disparition de Torrijos. Pour prendre le pouvoir à sa place ? Naturellement. Torrijos éliminé, le nouvel homme fort au Panama, c'était lui. D'ailleurs, il ne tardera pas à se faire nommer à la tête de la garde nationale. Toutefois, très habilement, il se gardera bien d'exercer officiellement le pouvoir. Il va gouverner par président interposé. Des présidents élus grâce à la fraude et qu'il liquidera dès qu'ils auront cessé de lui plaire ou qu'ils manifesteront un soupçon d'indépendance. Donc Noriega s'appuie sur l'armée ? Oui, une armée qu'il ne va avoir de cesse de moderniser et dont il va augmenter considérablement les effectifs. Et puis, il y a tous ces espions qui lui permettent d'exercer une surveillance absolue sur le pays. Il fait guère bon s'opposer à Noriega. Au milieu des années 80, on retrouvera le cadavre décapité d'un ministre au Costa Rica, près de la frontière panaméenne. Assassiné par les sbires de Noriega ? Très certainement. Mais revenons sur le pseudo-accident d'avion du président Torrijos. Vous laissez donc entendre clairement que c'est Noriega qui a saboté l'avion. Avec l'assentiment de la CIA et peut-être même son aide. Donc les Américains doivent être parfaitement satisfaits d'avoir un homme à eux à la tête du Panama. Hein. Incontestablement. Mais Noriega va se révéler être un partenaire difficile et déroutant. Et qui prend souvent ses amis américains à rebrousse-poil. Vous voulez encore parler de son amitié avec Castro ? Par exemple. Ou encore de son alliance avec ses voisins colombiens, mexicains ou vénézuéliens pour faire pièce à la diplomatie agressive de l'administration Reagan. En fait, Noriega a très bien compris qu'il obtiendrait plus des Américains en se faisant désirer plutôt qu'en leur obéissant docilement. Est-ce qu'il y a également une tentation nationaliste derrière cette attitude ? Oh, sans nul doute. Noriega sait qu'il a tout à gagner en flattant les sentiments naturellement anti-gringos de la population panaméenne. Et il en joue lorsqu'il le faut. Ouais, toujours le double jeu. Bien évidemment, chez lui, c'est une seconde nature. Et rien ne l'illustre mieux que ses rapports avec les trafiquants de drogue. Oui, des rapports déjà anciens. Hein. Oui, mais maintenant qu'il est le maître incontesté du pays, Noriega va faire les choses en grand. En augmentant le trafic. Hein. Le dictateur entreprend de prendre langue directement avec les patrons du cartel de Medellin. Escobar et choix. Or, justement, au début des années 80, il se présente une occasion inespérée pour lui. La fille d'Ochoa est enlevée par des guérilleros marxistes. Aussitôt, Noriega propose de s'entremettre. Grâce à ses très bons rapports avec Fidel Castro, il parvient à obtenir la libération de la jeune femme. Contre le paiement d'une rançon, je pense. Oui. Et au passage, Noriega reçoit un confortable pourboire. Enfin, ça, c'est un détail. L'essentiel, c'est que maintenant, le cartel de Medellin lui est redevable. C'est ainsi que commence une fructueuse collaboration au plus haut niveau. Le cartel de Medellin, alors, produit de la cocaïne. Et c'est Noriega qui pourvoit à son acheminement. C'est ça. Mmh. Et mieux, il autorise l'installation de laboratoires ultramodernes dans la jungle, non loin de la frontière colombienne. Mais comment réagissent les Américains ? Ils ne peuvent pas laisser faire cette drogue. Elle est essentiellement destinée au marché nord-américain, non ? Vous avez raison. Aussi, dans le même temps où il collabore avec le cartel de Medellin, Noriega donne des gages aux agents américains des narcotiques, la célèbre DEA. la Drug Enforcement Administration. Dégage, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, Noriega se débrouille pour faire arrêter les trafiquants d'un autre cartel de la drogue. Un cartel concurrent de celui de Medellín, vous voulez dire? Oui, les Boliviens. Et quand ça ne suffit pas, il va même jusqu'à faire détruire, avec la coopération des agents de la DEA, un de ses laboratoires dont il a pourtant autorisé la construction sur le sol panaméen. Ça, c'est très dangereux parce que Escobar là, et ses amis ne sont pas des enfants de cœur. Hein. C'est vrai qu'il prend des risques. Et d'ailleurs, à un moment, Escobar furieux envisagera très sérieusement de faire enlever Noriega ou de le faire assassiner. Enfin, les affaires sont les affaires. Et finalement, Noriega rend plus de services qu'il ne cause de désagréments. D'autre part, grâce à ce puissant parrainage, les pourvoyeurs de drogue peuvent échapper à la DEA. Oui, justement, à la DEA, chez les agents qui s'occupent des narcotiques. Comment considère-t-on Noriega? Très bien. Très, très bien. Ah bon? Car il contribue à faire extrader les trafiquants. Pas ceux du cartel de Medellín, bien sûr, mais leurs concurrents. Et Noriega continue à jouer sur les deux tableaux. Toutefois, il est de moins en moins prudent et ça finira par lui coûter cher. Comment expliquer ce manque de prudence alors? Parce qu'il se sent indispensable. Il pense bénéficier de protection jusque dans les cercles les plus élevés de la Maison-Blanche. Et dans une certaine mesure, il a raison. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un article intitulé « Le petit Néron de l'Amérique latine », article publié en 1996, c'est-à-dire 2 ans avant la chute de Manuel Noriega, le correspondant du Monde, Bertrand Delagrange, peut écrire ceci. Il est de notoriété publique que l'armée panaméenne, un peu comme l'armée bolivienne, s'est transformée au cours des années en une sorte de mafia qui contrôle toutes sortes de trafics et perçoit des commissions sur le blanchissage de l'argent de la drogue et sur la vente de visas ou de passeports. Et plus loin, le journaliste ajoute, selon des documents publiés l'an dernier, les États-Unis avaient évoqué dès 1972 la possibilité d'éliminer celui qui n'était alors que lieutenant-colonel. Les responsables de la lutte contre les stupéfiants, en effet, avaient soumis au président Nixon un scénario qui suggérait notamment l'immobilisation totale et complète, euphémisme pour parler d'assassinat, de celui qu'il considérait déjà comme le grand caïd de la drogue en Amérique latine. Finalement, la raison d'État avait prévalu et les États-Unis avaient préféré maintenir de bonnes relations avec un homme qui leur a rendu d'éminents services par la suite, jusqu'à ce qu'il devienne un personnage vraiment trop encombrant. Expliquez-moi ce sentiment d'impunité chez Noriega. Les contras, vous vous souvenez? Ah ben, bien sûr, il s'agit de l'aide clandestine américaine aux combattants anti-sandinistes. Oui, une entreprise initiée par la Maison Blanche et les plus proches conseillers de Ronald Reagan. Et financée par des exportations illégales d'armes en Iran. Hein? Exact. Mais que vient faire Noriega dans cette affaire? Le dictateur panaméen va être un pion essentiel dans l'aide aux contras. Et pourtant, du temps du président Torrijos, Noriega équipait au contraire les sandinistes. Hein. Aucune importance. Noriega n'a aucun scrupule. Il ne pense qu'à son intérêt. Et donner un coup de main à la Maison Blanche n'est pas rien. Surtout pour une opération illégale, puisque le Congrès américain a interdit toute livraison d'armes aux contras. Vous voulez dire qu'en participant à cette opération, Noriega va bénéficier d'un moyen de pression sur la Maison Blanche? C'est évident. Si on ne lui donne pas satisfaction, si on essaie de contrarier ses entreprises, il sera en mesure de faire chanter les plus hautes autorités américaines. La CIA, les conseillers de Reagan et même certains généraux du Pentagone. Ouais, d'où son sentiment d'impunité. Et en outre, ça lui permet de poursuivre ses très nombreuses activités en matière de trafic de drogue. Ouais. Mais c'est excessivement grave parce que, d'une certaine façon, les Américains achètent sa coopération et son silence, tout en sachant très bien qu'ils inondent de drogue leur propre pays. Et c'est malheureusement la vérité. Et dans cette affaire des contras, quel rôle va-t-il jouer effectivement Noriega? Le Panama devient grâce à Noriega le QG de la lutte anti-sandiniste. Ça commence avec des Israéliens. Et pourquoi les Israéliens? Ils sont très impliqués dans cette histoire. Rappelez-vous qu'ils ont servi de courroie de transmission dans l'Iran Gate. Les missiles américains transitaient par Israël avant d'être livrés à l'Iran des ayatollahs. Et c'est l'argent de l'Iran Gate qui sert à armer les contras. Tout est lié. D'ailleurs, le conseiller de Noriega dans cette affaire n'est autre que l'ancien patron du Mossad en Amérique centrale. Qui? Un ancien officier israélien, Michael Harari. C'est lui, sur l'injonction de la CIA, qui a créé au Panama une base d'entraînement secrète pour les Contras. C'est lui aussi qui va livrer pour des millions de dollars d'armes soviétiques aux guerrilleros anti-sandinistes. Pourquoi des armes soviétiques ? Des armes récupérées par l'armée israélienne au sud Liban. Au reste, le Panama, avec ses centaines de banques, est le pays idéal pour faire transiter les dizaines de millions de dollars drainés par le colonel Olivier North pour armer les Contras. Et c'est le propre avocat de Noriega, l'homme qui gère ses comptes bancaires à l'étranger, qui va s'occuper du montage des sociétés écrans de l'Irangate. Noriega, a-t-il eu des rapports personnels avec le colonel North, qui était, enfin, je le rappelle, le conseiller personnel de Ronald Reagan pour les affaires de sécurité? Bien entendu. North est venu souvent à Panama City, j'ajoute, mais je crois que nous en avons déjà parlé, que les avions de la CIA qui livraient les armes aux Contras ne revenaient pas toujours à vide. Oui, ils transportaient de la cocaïne. Oui. De la cocaïne et du crack, la nouvelle invention des narcotrafiquants. Et vous imaginez bien que notre ami Noriega n'était pas étranger à tous ces trafics, mais les choses vont quand même se gâter en 1986. Que se passe-t-il alors à l'époque? Même si à la direction de la DEA, on continue à se féliciter de la coopération entamée avec Noriega, des agents des narcotiques commencent à ruer dans les brancards, car ils savent pertinemment que le dictateur panaméen est le plus grand trafiquant de drogue du continent. Ouais. Ils ruent dans les brancards, mais ça se traduit comment? Ils s'arrangent pour laisser filtrer des informations dans la presse. Et dans le New York Times, on découvre soudain l'étendue des activités criminelles de Manuel Antonio Noriega. On découvre, et c'est très embarrassant ça pour la Maison Blanche. Forcément. Mais Reagan et les siens ont les mains liées, je vous le rappelle. Car Noriega ne se prive pas de leur dire qu'il est prêt à révéler tout ce qu'il sait. Alors les Américains essaient de sauver les apparences en conseillant à Noriega de purger son entourage, de se débarrasser de ses proches les plus compromis. On ne nous demande pas de partir. Pas encore. Même si on a très envie qu'il lâche les rênes du pouvoir et qu'il aille profiter de son immense fortune dans quelque île paradisiaque. Seulement... Noriega s'arc-boute. Oui, c'est un entêté. Il est riche, d'accord, mais il en veut toujours plus. Et comme les Américains montrent de plus en plus d'impatience, il se braque. Que fait-il exactement, alors? Il développe un anti-américanisme croissant. Il ira même jusqu'à déclarer l'état de guerre avec les États-Unis en 1989, peu de temps après sa chute. Et c'est une terrible erreur. Ouais, parce qu'il fait pas le poids, quand même. C'est évident, mais surtout, en adoptant cette attitude, il menace directement les intérêts économiques américains. Le canal? Oui, le canal. Ce canal par où transite le pétrole brut de l'Alaska vers les raffineries des Caraïbes. Une voie maritime essentielle pour les Américains et qui, à l'époque, ne désespère pas d'obtenir l'abrogation du traité Carter-Torrijos de 1977. Alors pour vous, c'est donc d'abord à cause du canal que les États-Unis vont employer les grands moyens pour se débarrasser de Noriega? J'en suis certain. Auparavant, en octobre, je crois, il suscite un putsch. Mais l'affaire est mal préparée et les officiers rebelles échouent à renverser Noriega. Noriega qui est de plus en plus furieux contre les Américains, car il sait bien qu'ils sont à l'origine de l'affaire. Alors c'est alors que les Américains vont se décider à intervenir directement, c'est ça? C'est l'opération Juste Cause, un nom de code assez hypocrite, mais enfin passons. Colin Powell, le chef d'état-major du président Bush, ne veut prendre aucun risque. Et pardonnez-moi l'expression, il décide de mettre le paquet. Ouais, comme il le fera plus tard lors de la guerre de Golfe. Oui, il faut surtout limiter le nombre de morts américains. C'est pourquoi 26 000 hommes supérieurement armées vont intervenir. Et de l'autre côté, ils sont combien, hein? L'armée panaméenne doit compter 16 000 soldats, mais ils n'ont pas la même formation ni les mêmes moyens que les Américains. Ouais. Quel est l'objectif poursuivi? S'emparer de Noriega. Et si vous voulez mon avis, personne à Washington n'aurait regretté sa mort au cours des engagements. On voulait le tuer. Ça aurait simplifié les choses et évité un procès où Noriega aurait pu s'épancher. Ouais, ça me rappelle quelque chose, ça. Vous avez tout à fait raison, mais Noriega, malgré la surveillance électronique dont il faisait l'objet en permanence, a brusquement disparu en début de soirée, juste avant le déclenchement de l'opération Juste Cause. Il a été prévenu? C'est possible. Quoi qu'il en soit, il ne réapparaîtra que quelques jours plus tard en demandant l'asile à l'annonciature. Il n'en sortira qu'au début janvier 1990. Et il sera alors devenu impossible de se débarrasser de lui par la manière forte. Et c'est donc pour les Américains une sorte d'échec, hein? De ce point de vue, oui. Et un échec qui a coûté très cher. Car s'il n'y a eu que 25 morts du côté américain, il y en a eu plusieurs centaines du côté panaméen. On parle même d'un millier. Ouais. Dernière question, avant de commencer cet entretien. Vous avez dit que la France aussi avait été mêlé à l'affaire Noriega. C'est vrai. Et je ne voulais pas parler des appartements luxueux que les époux Noriega ont achetés à Paris, ou des placements qui ont d'ailleurs valu au dictateur une condamnation en France à 10 ans de prison. Oui, une condamnation par contumace. Oui. Naturellement, puisqu'il est emprisonné aux États-Unis. Non, je voulais évoquer une affaire assez peu connue. Au moment de la guerre des Malouines, qui a opposé donc la Grande-Bretagne à l'Argentine, ouais, Noriega, sans doute à la demande des États-Unis, a servi d'intermédiaire dans la fourniture de missiles français Exocet à l'Argentine. Enfin, et nous étions au courant, enfin, le gouvernement, je veux dire. Le contraire m'étonnerait. Oui, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Dans cette guerre, les Américains soutenaient les Britanniques. Bien sûr. Mais il ne voulait pas pour autant se fâcher avec les généraux argentins. Et comme il ne pouvait quand même pas leur fournir des armes américaines, ils leur ont livré des armes françaises par l'intermédiaire du si serviable général Noriega. En 1997, Manuel Antonio Noriega reçut dans sa cellule d'une prison située en Floride un journaliste de l'Observer. Dans Le Monde, Georges Marion commente. Discret sur ses excellentes relations avec les trafiquants de drogue, mesuré sur ses liens avec la CIA, muet sur ses finances après son arrestation, 31 millions de dollars, plus de 170 millions de francs ont été gelés dans 27 comptes bancaires d'Europe, Antonio Noriega n'est prolixe que pour dire tout le mal qu'il pense de George Bush, chef des services de renseignement sous Ronald Reagan, puis président des États-Unis, qui ordonna sa capture. C'est un menteur, une poule mouillée, un hypocrite et un tueur sans pitié, affirme Antonio Noriega. Sa chute, explique encore l'ancien dictateur, il la doit non pas à ses liens avec les narcotrafiquants, mais à son refus de se plier aux exigences des États-Unis qui voulaient l'embarquer dans la lutte contre les Contras nicaraguayens et contre les insurgés du Salvador. « J'ai refusé d'être un béni-oui-oui », explique-t-il. « Chaque fois que les Américains ont demandé notre coopération sans que cela nuise à notre souveraineté ou à notre dignité, nous avons coopéré. Mais lorsqu'ils nous ont demandé des choses qui affectaient les intérêts du Panama, alors nous avons commencé à dire non. » Mais c'est en tout cas l'opinion de M. X. Noriega ne confondait-il pas exagérément ses intérêts avec ceux du Panama? Enfin, un dernier mot qui corrobore les propos de mon interlocuteur. Voici ce que déclarait Ronald Reagan au sujet du canal de Panama à la veille de la signature des accords Carter-Torrijos. La zone du canal n'est pas une colonie, ni une location à long terme. Elle est le territoire souverain des États-Unis, au même titre que l'Alaska et que tous les États nés lors de l'achat de la Louisiane. Nous devons mettre un point final aux négociations sur le canal et dire au général que nous l'avons acheté, nous l'avons payé, nous l'avons construit et nous allons le garder. À samedi prochain, je vous rappelle notre site sur internet franceinter.com, un site qui vous permet de nous écrire, de réécouter cette émission et aussi des enregistrements beaucoup plus anciens.